Salut, vous écoutez Des litres de salive sur le 89.5 de Radio Duo. Des litres de salive, c'est tous les quatrièmes dimanches du mois, ou presque, à 19h. Je voulais parler de sexe aujourd'hui. Juste de sexe, tranquillou comme ça. Mais j'ai du mal à m'empêcher à mélanger ça avec l'amour en lien avec la nique. Alors on va plutôt se laisser emmener dans le sexe. Oui. on va se laisser emmener dans le sexe par des récits sur les relations. Bon, de toute façon, ça aurait pas été hyper simple à désimbriquer, tout ça, en fait. Hein. Bon. Aujourd'hui, on va se raconter des histoires. Des histoires purement fictives. Oui. C'est le moment de libérer la chatte. Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois? J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés. Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc. Mais combien de fois t'as simulé? Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis. Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos. Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre? Moi, j'adore les histoires de pénis. Ah. Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Que veux-tu? Je suis folle de toi. Que veux-tu? Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro? Que veux-tu? Je suis folle de toi. Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus. Des litres de salive. Pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. C'était le printemps. Et la campagne de Haute-Loire se réveillait de son long sommeil. Les petites abeilles commençaient à butiner tout ce qui se trouvait à portée de leur petite bouche d'abeille. Sur le chemin, parmi les écureuils et les belettes, les petites vulves limaces se promenaient en laissant un sillage de mouille derrière elles. Elles glissaient en se faisant des blagues. Elles rigolaient bien entre elles et ramassaient des pâquerettes qu'elles glissaient dans leurs poils. Au loin, on voyait la colline couverte d'arbres bourgeonnants s'élancer vers le ciel. Mais pas trop fort, car c'était une petite colline. Les vulves limaces s'installèrent en contrebas, près de la rivière, pour un petit pique-nique. Ensuite, elles allèrent se tremper dans l'eau pour nettoyer les petites miettes. La toilette se transforma bientôt en taquinerie et en jeu. Elles s'éclaboussaient et se poussaient dans le courant, le remontaient en faisant froufrouter leurs lèvres en de gracieux mouvements synchronisés. Plus tard, étendues sur de grandes nappes et se séchant au soleil, elles commencèrent à se câliner, à se caresser doucement et à devenir glissantes comme de petites anguilles excitées. Elles se susautaient et se frottaient, en faisant jaillir de la cyprine les unes sur les autres. Tour à tour, leurs muscles se contractaient sous les caresses des nymphes et du clitoris, et elles jouissaient dans un frisson doux et profond. Sous les rayons de soleil qui filtraient à travers les feuilles, elles s'endormirent collées les unes aux autres pour une sieste douillette. Mais le son de cette musique est vraiment atroce. Je vais en essayer un autre. Attention. Wouhou! That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. 'Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. You say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl, and just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. Don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. You could drive me mad. I know you just take me in a circle. And when it got real, I know you disappear. That's why I ain't gonna love you. Approchez, approchez, personnes humaines de tous horizons, et venez admirer les dynamiques de l'amour romantique hétéronormé. Venez tâter sa texture huileuse et vous abreuver à sa source amère. Venez vous frotter le visage à ses parois de crépi orangé. Laissez-vous lentement happer par sa gluance. Venez voir Machine et Machin au cœur de leur drame, avec Machine dans le rôle de la meuf et Machin dans le rôle du type. Venez les voir s'aimer de la façon la plus maladroite qui soit et s'empêtrer dans la tragédie, tragique et donc sans issue. Ils vont mutuellement confirmer leurs pires craintes sur eux-mêmes et sur l'amour qu'on peut leur porter. Et ils vont faire cela avec maestria et sans effort, comme on fait craquer les os de ses doigts avant de saisir sa flûte. Romain, en bon type typique, s'appuiera sur le travail relationnel qu'il ne fera pas pour confirmer son insuffisance en tant qu'être humain. Et Alice, quant à elle, dans un tour de passe-passe qui tient du prodige, laissera la relation lui infliger des limitations qui l'empêcheront de savoir qui elle est vraiment. Parce que voyez-vous, elle n'a pas très envie de savoir, on lui a dit que ça pourrait être dangereux. Admirez l'habileté des protagonistes qui s'élancent sur la piste et se feront mal en silence ou à grands cris, chacun son style. Et ce jusqu'à mettre des étincelles dans vos yeux. Apparemment, une chanson sur deux va avoir un son atroce, vraiment atroce. Du coup, la première chanson qu'on a entendue, c'était Bette Davis avec Anti-Love Song. C'est celle qui a fonctionné avec un son correct. Et là, c'était Sexy Sushi avec Tu Dégages. Voilà, tu dégages, tu passes demain prendre ton bazar, ton merdier, tu fous le camp, fallait pas venir chez mes parents, tu te fous de ma gueule, tu vas payer, je vais te faire bouffer tes dents de drogué. Enfin voilà, tout ça. Et on va pas l'écouter parce que le son est vraiment atroce et je ne comprends pas pourquoi. Voilà, je suis désappointée. Bref. Mais c'est pas grave, on va continuer. On va continuer avec un peu de l'histoire d'Alice. Et pour commencer, on va dérouler la langue poussiéreuse du passé d'Alice et se promener un petit peu dessus. Ce souvenir, surtout quand on s'y attendait pas, ça peut faire un espèce de gros nuage de poussière qui fait tousser. Et c'est un peu ce qui s'est passé quand elle a reçu un certain mail d'une certaine personne. Elle a un peu toussé dans son âme. Elle s'est décalée d'elle-même et s'est retrouvée emportée dans son vieux elle, 12 à 15 ans en arrière. Un antiquex l'avait donc recontacté. Pas n'importe lequel. Son premier ex, celui qui a compté. Celui avec lequel elle a cru que ce serait pour toujours. Le pour toujours de quand tu as 20 ans et que quand même tu es un peu une quiche comme personne. Et c'est aussi l'ex de la légende de l'amour. Ou plutôt l'ex de la légende de l'échec de l'amour. Celui qui a laissé une profonde empreinte dans la psyché d'Alice. La légende de l'échec, du premier échec, l'échec qui fabrique l'explication pour tous les autres échecs, en tout cas c'est celle-là dont on se sert. Le récit de l'origine de ce qu'elle se dit quand ça marche pas avec quelqu'un. Rien de très exceptionnel, hein. Pour elle, c'est simple. Quelque chose chez elle doit bien clocher. Et une autre personne, mieux qu'elle, est préférée par l'autre. Ou alors ça finira par arriver car nul n'est censé la préférer elle au vu du plus grand intérêt que présentent toutes les autres personnes, c'est sûr. Elle se le dit pas comme ça, hein. C'est le sous-texte peu conscient de « c'est fini ». C'est ce qu'elle entend. Alice, à la fin chaotique de cette histoire, ne s'est pas fait larguer pour rien ni pour n'importe qui. Elle a été quittée pour une fille bien. Oui, ça c'est le discours du type à peu près, hein. On sait. Mais c'est un discours qui peut marquer. Et l'autre personne, elle offrait des plans d'avenir du style travail, stabilité, mariage, enfant. Et elle était à peu près le contraire d'elle, physiquement. Bizarrement, elle s'appelait aussi Alice. Ça lui faisait comme une sorte de doppelganger dans la norme. Et je sais bien que tout est plus complexe que ça, mais des fois, pour comprendre et s'expliquer les pourquoi, on se fait des schémas. Bon, j'ai dit qu'on allait parler de sexe, et puis on va y venir, tout doucement. Alice, elle s'est aussi fait larguer, enfin elle croit avoir deviné que peut-être c'était pour ça, parce que pour elle l'exclusivité sexuelle et amoureuse c'était pas une option. Et d'ailleurs si on lui avait présenté ça comme explication, une vraie explication, bah à la limite il y aurait eu moins de dégâts dans sa psyché. Mais d'explication, il n'y eut point, et la plaie resta béante longtemps, comme les questions sans réponse qu'il avait fallu boucher, et tout ce qu'elle avait sous la main à ce moment-là c'était son sentiment d'insuffisance. Dans sa tête, dans les schémas, dans la grande légende du pourquoi. Elle a été quittée pour son opposé, pour une qui coche les cases et qui rentre dedans, y compris toutes celles de la féminité. C'est l'image qu'elle s'est fait. Et elle pensait déjà que quelque chose clochait chez elle avant ça. Mais là, c'était le festival de la confirmation de ses pires peurs par rapport à sa propre valeur et à ses prétentions à recevoir de l'amour. Bon, voilà, voilà, drama, les marques dans les jeunes psychés, des ruptures amoureuses sans résolution, en mode de film muet. Bon, et là, Alice, elle a reçu le mail et toute cette partie de sa vie est revenue lui mordre les fesses. Tout ça parce que les types autour de la quarantaine ont de soudaines épiphanies dans le cadre de leurs inévitables dépressions. Ce qui pourrait être touchant hein, si on était Alice, mais qui reste assez hors de propos, en fait. Mais enfin, voilà. Du coup, elle repense au passé, à tout ça, à la non-exclusivité, au moment où elle a compris que c'était plutôt dans des modes relationnels non-exclusifs qu'elle aimerait bien vivre. Ça fait des ponts avec d'autres choses, des choses plus du présent, sur des questions politiques, et puis aussi sur d'autres silences, d'autres gens. C'était il n'y a pas si longtemps qu'elle l'a formulé. Son choix de cadre relationnel non exclusif n'est pas politique. Enfin, il est forcément politique parce qu'il régule la façon dont elle vit sa vie. Il est aussi visibilisé comme politique parce qu'il ne correspond pas à la norme, au mode de vie approuvé par les normes sociales en matière de relations. Il est politique au même titre que la monogamie, dans le sens où c'est politique la façon dont on vit, dont on relationne, etc. Bien sûr. Et c'est un choix qui est analysable d'un point de vue politique, parce que la norme écrasante de la monogamie, elle est toujours bien présente, même si elle évolue dans ses formes. Parce que par exemple, maintenant, même si on est monogame avec une personne à la fois, on n'est pas censé être monogame pour toujours, jusqu'à la mort, tout ça. Et bon, c'est politique de choisir de ne pas être monogame, c'est aller contre ce courant-là. Enfin, ça peut être perçu comme politique d'aller contre ce courant-là et contre la réserve et l'appartenance au mâle exigée de la part des meufs dans leur sexualité et contre des restrictions qui n'ont de sens parfois que dans le cadre du patriarcat, contre une norme qui fait que masquer qu'elle tient assez peu debout pour une majorité des personnes. C'est choisir. Choisir d'aller vers des formes de relations et d'amour différentes, où on essaye de ne pas entretenir certaines habitudes de la domination et de la restriction morale. Mais Alice, souvent, elle n'a pas l'impression d'avoir choisi quoi que ce soit. Si elle a adopté ces formes relationnelles, c'est parce qu'elle sent que c'est ce qu'il lui faut pour être heureuse, ou du moins pour essayer de s'en approcher. La cohérence entre sa vie amoureuse et ses convictions politiques joue bien un rôle dans le bonheur qu'on peut éprouver. Et en effet, la remise en question des normes qui régulent le couple, c'est un truc qui lui parle. Et ça s'est confirmé au fur et à mesure du temps qui passait, des bouquins qu'elle lisait, ça lui parle. Mais elle s'est mise à lire ces bouquins justement parce qu'elle ne pouvait pas être monogame. Elle a développé certains aspects de sa conscience politique justement parce qu'elle avait en elle des machins qui collaient pas avec ce qu'on est censé faire et comment on est censé vivre. Elle ne croit pas que tout le monde devrait faire comme elle, mais elle croit quand même que plus de gens devraient au moins essayer pour voir et seraient susceptibles de découvrir que bon, c'est super. Alors c'est quand même pas complètement détaché d'un truc de conviction non plus. Mais si sa vie est comme ça, c'est surtout parce que son petit cœur bat plus fort quand il sait que certaines de ses envies peuvent être poursuivies. Et bon, je dis son cœur, mais ça marche avec d'autres organes. Fais-moi des trucs. On en a déjà parlé dans cette émission, je pense. Mais les humains, ils ont une culture qui régit leur façon de faire du sexe. Et eux, comme tout le reste d'ailleurs. Même si on utilise nos corps qui sont naturels pour faire le sexe. Bon, et c'est aussi discutable que nos corps soient naturels, parce qu'ils sont modifiés par des pratiques culturelles jusque dans leur chimie. Et puis, il faudrait préciser ce qu'on entend par naturel, mais je l'ai déjà fait dans d'autres émissions, alors voilà. Mais bon, disons que nos corps sont quand même des trucs organiques. Voilà, c'est organique. Et bien, ce qu'on en fait et comment on le fait, c'est plutôt régi par le culturel et le social, parce que ça tient compte des rapports de pouvoir selon l'identité des individus et de leur rôle attribué selon ces mêmes identités au sein de la sexualité. Bon, on sait. La sexualité, c'est une expérience universelle, mais les modalités de cette expérience, elles sont pas universelles, elles dépendent du milieu social et culturel. Ce qui nous excite, c'est donc à la fois intime, individuel, et puis en même temps guidé par notre culture. Les récits culturels alimentent notre imaginaire érotique et déterminent ce qui sera perçu comme excitant ou pas. Ça le détermine soit par adhésion, aux récits culturels, soit en réaction contre les récits culturels, ou a priori la plupart du temps dans un savant mélange de ces deux trucs-là. Et bien sûr, il y a des interstices, bien sûr, il y a même des pans de murs qui ont sauté dans tout ça. Et ça pose un peu des questions, tout ça. Par exemple, voilà, Alice, on a parlé d'Alice tout à l'heure. Alice, voilà. Et ben, Alice, elle a une copine qui s'appelle Mélanie. Et Mélanie, ça lui est arrivé de se demander si elle n'avait pas du désir pour des types cis, juste parce que les normes sociales et la culture la poussaient dans cette direction. Si son désir n'était pas un peu en carton, en fait. Et bon, faut dire que Mélanie est bi. Alors, entre les personnes qui lui disent que bi, ça n'existe pas, et les personnes qui lui disent qu'elle ne subit pas d'oppression spécifique, elle galère un peu à se demander vraiment frontalement, comme ça, si elle n'est pas juste lesbienne, parce qu'elle a l'impression de s'infliger à elle-même un doute qui ressemble à des questions de ce genre qu'on lui a déjà posées de façon relativement agressive dans des contextes divers. Parce que dans sa famille, dans son lycée, pour certains amis, comme pour certaines camarades au fil de la vie, tout ça, eh ben, les bi et leur existence, c'est un truc qui se conteste. Et elle n'a pas très envie de se reproduire la biphobie dans sa face. Mais en dehors de ça, la question s'est quand même posée. Elle est tombée sur le concept de compulsion à l'hétérosexualité développé par l'écrivaine Adrienne Rich. Ce concept qui explique à peu près approximativement que notre culture et toutes les normes sociales nous poussent, nous les meufs, à faire les relations et le sexe avec des mecs cis. Alors, on subit cette influence. Et si on la subissait pas, il est fort probable qu'il y aurait beaucoup moins de meufs à subir les affres de l'hétérosexualité qui nous fait quand même assez peu de bien souvent. Et qui, en dehors de ça, participe fortement à exploiter sans contrepartie l'énergie des meufs dans le cadre du couple. Bref, on serait fortement incité à niquer avec des types et à faire les relations avec eux. Et on ferait tout ça parce qu'on cède à cette incitation normative. Et pas toujours parce que vraiment, au fond, ça nous inspire. Bon, ça se tient. Enfin, c'est un concept qui est plutôt à appliquer aux personnes qui ne ressentent pas un désir authentique pour les types 6. Et c'est quoi un désir authentique ? Étant bi, elle pourrait choisir d'autres partenaires. Mais mathématiquement, elle est plus susceptible de rencontrer des partenaires cis-types, hétéros ou bi. Il y en a plus, déjà, et ils sont plus accessibles. Et comme tout le monde est à la base supposé hétéro, l'hypothèse de ce pécho se fait plus facilement, IRL en tout cas. Et puis il y a la sociabilité, les blocages divers pour se lancer avec des meufs. Et elle voudrait pas trop s'auto-flageller non plus parce qu'elle a envie de type. On choisit pas vraiment ce qui nous fait mouiller et puis la restriction, ça lui parle pas trop, surtout dans ce domaine. Quand même, elle a remarqué que quand elle regarde souvent des séries ou des films qui montrent des histoires pas hétéros, qui montrent des meufs qui baisent entre elles, tout ça, c'est comme si ça réveillait un peu plus cette possibilité chez elle. Ça lui réveille l'imaginaire érotique avec d'autres filles. Ça lui allume des envies et puis des sensations projetées. Elle se demande si elle est juste influençable ou si ces trucs qui s'allument ne s'allument que pour les personnes qui ont déjà ce désir enfoui dedans. Et elle pense que c'est plutôt ça. Elle sent que son imaginaire peut se travailler. Elle peut pousser un peu dans une direction qui lui fait déjà envie. Mais quelle que soit la raison pour laquelle naît son désir et pour qui il naît, le réprimer, ça lui fait pas très envie. Parfois, quand elle passe du temps avec des meufs qu'elle désire, et quand elle fait du sexe avec, ça la renvoie à sa propre image. Une chose qui se passe pas avec les types, ou en tout cas pas de cette façon. Si elle envie les avantages dont ils bénéficient, les divers accomplissements plus faciles à atteindre pour eux, le fait que le monde les fasse moins chier, hein, tout simplement, elle ne se retrouve pas à comparer son corps avec les leurs en plein milieu d'un moment de sexe. Elle se sent pas trop grosse ou pas assez séduisante par rapport à eux. Ils sont de l'autre catégorie. Et parfois, c'est un soulagement. Quand elle n'est pas au mieux de sa forme et de son contentement vis-à-vis d'elle-même, ça lui permet de niquer un peu en paix. En l'absence d'un autre physique auquel se comparer. D'un autre côté, elle se demande si l'habitude n'effacerait pas ce truc pénible de comparaison. Même si on lui a dit que c'est pas toujours le cas et pour tout le monde. Que c'était un truc entre meufs qui ont du sexe avec des meufs. Parce qu'on n'est pas à l'abri des pressions par rapport à la beauté, à Patriarcat City, personne. Mais quand même, il y a bien moyen que ça s'atténue, que des chemins différents se construisent dans son esprit pour allumer les petits feux et oublier de se comparer quand c'est pas le moment. Et puis, peut-être que si son ego était un peu plus solide... Mais Mélanie, elle en a un peu ras le cul qu'on lui rabâche qu'elle doit se trouver méga bonne en toutes circonstances et que c'est ça de s'aimer. Elle en a également ras le cul de travailler sur elle, des fois, à force. Alors pour l'instant, elle profite. Quand son cerveau lui fout la paix, elle laisse venir les pensées de peau, de visage, de caresse, hors de l'hétérosexualité. Elle se construit ses petits talismans de Nick, tout luisant. Et maintenant, on écoute Girlwood avec Bisexual. Cette chanson était très courte. Donc c'était Girlwood avec la chanson Bisexual. Tout à l'heure, j'ai pas dit ce qu'on avait écouté. Tout à l'heure, on a écouté Niagara avec Tu sais bien ce dont j'ai envie. Et vers la fin du morceau, j'ai été complètement en panique parce que le téléphone du studio s'est mis à sonner intempestivement. Et après mon propre téléphone, enfin voilà, c'était. Du coup, j'étais déstabilisée. Du coup, j'ai enchaîné sur une autre chanson pour gérer le téléphone. Et du coup, cette autre chanson que j'ai pas du tout mis en entier, c'était Faire l'amour avec le soleil de Anne Léonard. Voilà. À présent, je vais raconter une histoire. J'ai ressorti une vieille histoire de super-héroïne de la NIC qui se passait pendant le confinement. C'est l'histoire de Indre-et-Loire Jaune, l'aventurière de la NIC, face à la malédiction des zombites. Indre-et-Loire était lovée sur son canapé et regardait une série. Un truc pseudo-romantique et peu soucieux des réalités historiques censées se dérouler dans l'Angleterre du début du 19e. Les intrigues amoureuses des personnages étaient assez distrayantes et surtout les costumes étaient vraiment super. Le regard d'André-Loire se perdait par moments au-dessus de l'écran, sur l'étagère où était rangée sa collection de godes qui prenait la poussière. Depuis les confinements successifs et la vie à moitié, c'était pas trop la teuf. Son attention fut de nouveau attirée par l'écran. On y voyait une scène de sexe à moitié convaincante, à moitié bien, à moitié non-oppressive aussi. Tout était à moitié de toute façon en ce moment. Elle avait fini par s'y faire, on rigolait à moitié, on sortait à moitié, on se liait à moitié et c'était pas toujours les meilleures moitiés des gens qui ressortaient sous les effets de la frustration et de la solitude. Puis à quoi bon ? Ouais, André-Loire était bien dark aujourd'hui. Mais une étincelle craqua dans un coin de sa tête, et pas que de sa tête. Une petite flamme commença de brûler alors qu'elle regardait cette série décorative. Il y avait une scène de sexe, donc. Et malgré sa médiocrité, malgré le cunnilingus dont la présence est déjà un progrès mais qui durait 10 secondes, malgré le fait qu'il soit immédiatement suivi de pénis dans vagin dans un but ému de procréation, l'idée de trucs mouillés qui se frottent avait réveillé l'instinct de Nick d'André-Loire. Elle pensa à Machine qui était pas là et à Machin qui était quand même trop relou. C'était vite fait le tour des possibilités et en fait, il n'y en avait pas. Alors, elle se résolut à ouvrir une application de rencontre. Cette appli n'est pas exactement super. Elle aurait préféré rencontrer une personne dans un cadre festif, ne pas avoir trop le temps de réfléchir et se laisser emporter par l'enthousiasme du moment. Mais bon, déjà, quand il y a un cadre festif quelconque, c'est plutôt rare que ça soit adéquat. Et là, ces cadres sont bien limités. Elle repense avec nostalgie à quand c'est arrivé de rentrer de soirée ivre et de ken avec une personne avec laquelle on n'a pas pris le temps de construire une intimité. Et puis elle se dit qu'il n'y a peut-être pas de quoi être nostalgique. Bon, parce qu'elle est trop dark, parce qu'en vrai, des fois, c'est marrant. En ce moment, à moins de pécho dans la rue, il faut se résoudre soit à sublimer ses élans sexuels, comme sûrement ils disent les hippies, soit à aller consulter des profils sur l'appli. Elle y va, elle parle à des gens. Il n'y a que des mecs cis, évidemment, qui sont intéressés et tout ça. Elle fixe un rendez-vous à un gars le lendemain. Un type lambda, mais quand même pas de droite. Pseudo-alterno de gauche, voyage à vélo, profession libérale quelconque, voilà, on s'en fout. Il se voit, il est parfait, il est sexy, il a les dents du bonheur, sa peau a l'air veloutée. Il est relativement intéressant, bien qu'imbu de lui-même. Pile le genre qu'elle va trouver touchant, mais avec qui elle voudra pas plus. Parce que l'amour, c'est un peu fatigant et il lui faut de l'énergie pour dépoussiérer tous ses godes. Au bout d'un moment, il lui propose d'aller chez lui. Bon, il se roule des pelles dans l'entrée de l'immeuble, il a un peu goût de bière, c'est toujours sympa. Mais elle commence à avoir une sensation bizarre. Il se colle contre elle et elle sent qu'il bande super fort. Mais c'est comme s'il était un peu absent. Cette sensation est floue, mais elle persiste. Elle se mélange à son désir à elle et ça fait que rien n'est très clair. Ils rentrent chez lui, ils vont dans la chambre parce que bon, c'est chaud quoi. Sur le lit, il soulève son t-shirt, relève son soutif et il commence à toucher la poitrine d'André-Loire. Ses mains saisissent les seins en entier et se referment et s'ouvrent comme les pinces des machines de la fête foraine, là, le truc pour attraper les peluches. Il appuie les seins l'un contre l'autre après, trop fort. Et de toute façon, il ne pourrait pas s'apercevoir que c'est trop fort en voyant l'expression sur le visage d'André-Loire parce qu'il a cessé le contact visuel avec elle depuis un petit moment déjà. Et il serre, il desserre sous le regard interrogatif de notre héroïne. Une de ses mains descend vers la braguette d'André-Loire qui, pressentant que s'il s'occupe de sa chatte comme de sa poitrine, ça va être tendu, lui dit « Attends, je vais te montrer. » Ce à quoi il répond un « étouffé ». Elle le regarde. Il est penché au-dessus d'elle. Sa bite pointe à travers son boxeur. Il bave un peu et ses yeux sont devenus vitreux. Elle comprend soudain pourquoi elle avait l'impression qu'il n'était pas tout à fait avec elle. « C'est un zombite !» se dit enfin André-Loire. « Voilà qui explique tout. » Le zombitisme est un phénomène qui touche la plupart des hommes cis-hétéros, du moins par période. C'est une déconnexion des neurones liée à un afflux sanguin dans la région du pénis. Cet afflux provoquerait une chute de l'alimentation du cerveau en oxygène. La science parvient encore difficilement à l'expliquer. Il demeure des incohérences car cela ne touche pas toutes les personnes pourvues de ce type d'organes, seulement les types 6. Certaines personnes y voient un phénomène plus spirituel, et pense que l'érection rend vulnérable l'esprit et permet la possession par un esprit maléfique qui se trouvait à proximité. Ce serait simplement une coïncidence que tous ces esprits soient totalement dépourvus de compétences sexuelles quelconques. En effet, lorsque le zombie était en érection, il continue de participer à l'activité sexuelle qui était initiée, mais comme s'il était seul. Il utilise le corps de la personne avec laquelle il est pour s'exciter physiquement. Certains stimuli visuels fonctionnent toujours dans son cerveau, ceux liés par exemple à l'excitation sexuelle. Il peut donc également s'exciter en regardant certaines parties de la personne dans certaines positions ou en regardant son propre pénis entrer dans les orifices. Tout ceci se déroule sans attention au bien-être de la partenaire. Le concept même de partenaire est d'ailleurs tout à fait étranger aux zombies en état de transe, car il n'y a que lui qui existe en cet instant. Il existe des états limites, des états de zombies mixtes, pendant lesquels le zombie va parvenir à percevoir et volontairement essayer de provoquer le plaisir de la partenaire, mais ce, uniquement dans le but d'alimenter sa propre excitation. Le zombie est incapable de communiquer, à part peut-être pour articuler péniblement le mot « levrette ». Indre-et-Loire glisse lentement hors du lit. Elle se retourne et regarde le type se frotter contre la couette en gémissant. Il ne s'est pas aperçu de son départ. Elle se rhabille et le regarde contracter ses fesses en baisant furieusement son propre matelas jusqu'à gicler partout dessus. Dommage, il a un bon coup de rein. L'impression de gâchis lui vient souvent quand elle regarde un type. Dehors, une pluie fraîche lui donne un sentiment de liberté en éclaboussant ses chaussures et son visage. Elle sourit à la nuit. Finalement, elle sera quand même un peu mouillée. Je suis une lumière. Il paraît que l'orgasme est plus compliqué à atteindre pour les personnes à vulve. Enfin, c'est ce qui se perçoit dans les articles, les films, divers trucs culturels, quoi. Ou alors il est montré comme très facilement atteint par des moyens absurdes qui me laissent songeuse aussi, hein, c'est l'autre versant. Mais bref, a priori, physiologiquement, il n'est absolument pas plus compliqué à atteindre. Contrairement à ce que disent les types qui font ouin ouin parce qu'ils n'ont aucun skill. Ça a d'ailleurs été démontré que c'est pas difficile à atteindre dans les études de Masters et Johnson, des trucs qui datent quand même des années 60-70, donc ça fait un moment qu'on est au courant. Hein, et ils ont chronométré le temps nécessaire pour atteindre l'orgasme selon le sexe. Du coup, les personnes à vulve, elles jouissaient très vite en passant par la masturbation. Il me semble même peut-être encore plus vite que des personnes à pénis de l'étude. Et voilà, et puis je confirme, hein, voilà, c'est pas forcément hyper long. Et ça a probablement à voir avec une meilleure qualité de concentration quand on est seul, certes, mais pas seulement. Cet orgasme, il est rendu difficile à atteindre dans notre contexte, où les normes autour de la sexualité facilitent plutôt le plaisir et l'orgasme masculin, enfin des personnes à pénis. Dans les types de pratiques, comme dans le fonctionnement relationnel aussi. Mais est-ce que ce ne serait pas surtout le fonctionnement relationnel et les normes autour des sexualités qui niquent tout, en fait ? Par exemple, la pénétration, déjà, on pourrait essayer de l'appeler autrement. Il y a un mot qui s'appelle « enveloppement » qui existe. Et du coup, à travers ce mot, ça exprime un rôle plus actif du vagin, quand on parle de rapport pénis-vagin ou god-vagin, bref, vous suivez. Donc, une perception différente peut se construire dans le langage. Le vagin, perçu comme passif, ce n'est pas neutre. Ça fait partie d'un système de valeurs sexistes hétéronormées. En utilisant « enveloppement » à la place de « pénétration », on sort de ce système de valeurs. En tout cas, on fait un pas de côté. Et là, dans ce cas au moins, on s'ouvre à une vision plus neutre et relevant moins de l'interprétation culturelle. On peut aussi essayer de changer l'implicite qui va avec le mot « pénétration » plutôt que de changer le terme lui-même. La pénétration ou enveloppement n'est pas elle-même synonyme de passivité ou de rôle féminin. La façon dont c'est pratiqué l'est par contre assez souvent. Mélanie, encore elle, dont on a parlé tout à l'heure, hein, Mélanie, elle a rencontré beaucoup des zombites, ceux de l'histoire juste avant là. Et son double de super-héroïne, Indre-et-Loire jaune, elle s'en sort souvent mieux qu'elle et avec moins de colère et de dégâts. Ce qu'elle voudrait, Mélanie, ce serait de pouvoir se laisser aller à ses envies de baise avec des types cis, sans avoir au-dessus de la tête ce risque, que dis-je, cette quasi-certitude, que ce soit nul, voire bien pire, hein, que son consentement soit manipulé. Les gens qui insistent pour faire quelque chose, selon différentes méthodes, geindre, se montrer directif, argumenter, ignorer ce qu'elle dit. Et elle, quand elle fait du sexe, elle n'a pas toutes ces barrières mentales. En tout cas, elle les a encore moins que d'habitude. Elle est concentrée sur la peau, sur les signes de l'autre et sur ses propres sensations. Elle est absorbée dans ce qui se passe et c'est difficile d'avoir à se défendre quand on est dans un état second et avec tout le corps et l'esprit ouverts au plaisir et à l'autre. Elle a appris à être plus vigilante, mais ça l'attriste un peu de devoir faire ça. Alors elle bricole des trucs depuis longtemps pour faire le sexe en s'affranchissant le plus possible des rôles genrés. Et à sa propre surprise, ça finit par pas trop mal marcher à plein de moments. Pas avec les zombies, hein, bien sûr. Mais ça fait partie du truc aussi de faire des choix de partenaires pertinents. Bon, elle pourrait aussi ne plus jamais pécho de type 6. Mais on en a déjà parlé de ça et elle n'a pas envie de restreindre ses élans, en tout cas pas tous. Mais c'est vrai que des fois elle y pense et que la solution est quand même à envisager. En tout cas, elle comprend que ce soit une option très pertinente pour des personnes. Mais bref, elle bricole. On peut changer les pratiques elles-mêmes. On peut changer, par exemple, l'ordre de qui est pénétré entre un type 6 et une meuf. Ça ne la satisfait pas complètement. Les pratiques elles-mêmes, leur signification peuvent changer, la norme hétéro, et les types surtout, trouvent parfois les moyens de récupérer ceux qui avaient l'air libérateurs, et puis de le remettre dans le droit chemin, par exemple, comme les types qui font de leur capacité à se mettre des trucs dans le cul un argument prouvant qu'ils sont waterproof au sexisme. Ou alors, qui estiment que leur capacité à se faire prendre par une meuf et à être quand même des hommes, eh ben ça les rend plus virils, c'est la nouvelle virilité. Mélanie capte quand même que ça aide forcément à changer les représentations, de changer les pratiques. même si c'est pas parfait en toutes circonstances. Ce qui est possible aussi de faire, c'est d'exclure certaines pratiques trop significatives culturellement, genre par exemple la pénétration pénis-vagin, tout ça. Mais Mélanie, peut-être parce qu'elle aime bien la sensation liée à cette pratique, elle n'a pas très envie de s'en débarrasser et elle préfère en changer la signification, changer la manière de la pratiquer et de la percevoir plutôt que de juste lui dire bye bye. Du coup, elle ne la pratique pas systématiquement pour que ça ne soit pas une obligation. Elle adopte un rôle actif pendant le sexe, d'initiative, de mouvement. Et puis elle se bricole de l'intérieur, elle fait correspondre sa perception à sa propre réalité en pliant les représentations dans sa tête. Par exemple, quand le pénis d'un type 6 entre dans son vagin, elle s'entraîne à ne pas percevoir cela comme un acte qui signifie que c'est le type qui dirige l'échange. Et petit à petit, comme ça, elle défait les petits fils entre pénétration, domination, rôle masculin, pénis, tout ça. Et de temps en temps, elle rattache les fils si elle a confiance et que ça devient un truc de son propre imaginaire érotique. Pour elle, dans le sexe, pour se détacher de l'hétéronormativité toute moisie, là, ce qui compte, c'est la capacité à s'écouter et à se comprendre mutuellement. Et oui, Mélanie est un peu une hippie. Et ça n'empêche qu'elle-même pense beaucoup à tout ça. Elle réfléchit, propose, elle se remet en question, elle entretient intentionnellement les dynamiques de désir dans ses relations. Et que les types qu'elle fréquente font rarement ce travail-là. Mais des fois, oui. Parce que de toute façon, les catégories de genre et leur soi-disant pertinence ont vocation à disparaître et que ça commence à se voir un petit peu. On arrive à la fin de l'émission et je vais vous laisser avec la chanson I Am a Cat du groupe Shonen Knife. Je vous dis à bientôt, dimanche quelque chose mai, le quatrième dimanche du mois de mai, pour la prochaine. Sur le 89.5 de Radio Duo. Salut!